Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la grande émission des droits et libertés. Je suis Amy. Et moi, c'est Mélia. Cette année, nous avons décidé de vous accompagner tout au long d'une série de rencontres consacrées aux grandes questions juridiques et sociales qui traversent notre époque. Chaque épisode, ce sera simple. Nous invitons des élèves, des chroniqueurs, des passionnés et nous explorons ensemble un thème qui touche à la liberté, à la justice, aux droits humains, à la société dans laquelle nous vivons. On parlera d'impôts, de santé publique, de droits fondamentaux, d'environnement, mais aussi d'égalité, de famille, d'internet, de protection à l'enfance, bref, tout ce qui construit ou parfois bouscule notre vie quotidienne. Notre objectif ? Rendre cela clair, vivant et compréhensible, sans trahir la rigueur des textes ni le travail des élèves. Et surtout, ouvrir un espace de réflexion, parce que derrière les lois, il y a toujours des débats, des choix, des enjeux humains. Et c'est ce qu'on va explorer épisode après épisode. Merci d'être avec nous, on se retrouve tout de suite pour le premier épisode de la saison. Et on vous souhaite une excellente écoute.